Mets-toi un peu plus fort, Philippe. Mets-toi un peu plus fort, là. Ça manque un peu de gain. Là maintenant ton son il est bien. Prends un papier et un crayon ou prends un appareil photo, photographie tes boutons. J'arrive à tirer l'octave sur la strat là, le troisième octave là, sur le, j'arrive à sortir le mi à l'aigu. Ah, pète pas la corde. Ah, pète moins que quand elle était en neuf. Thank you. Thank you.